Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut tut tut tut tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye. Adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye. Adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye. Adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye. Adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin, loin, loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin. Je suis ailleurs. Je suis loin.